وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا: في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dans leur cœur, ils ont une maladie. Et Allah Azza wa Jal leur a augmenté cette maladie. Et ils ont un dur châtiment pour ce qu'ils ont rendu mensonge. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لماذا؟ لأنهم يريدون الكفر. الله تبارك وتعالى ils ont une maladie dans leur cœur. C'est quoi cette maladie? Maradatul kufr, la mécréance. Fazadahumullahu marada. Parce qu'ils ont cette maladie dans leur cœur, Allah Azza wa Jalla va leur rajouter à cette maladie. Limada li'annahum yuriduna al-kufr. Parce qu'ils veulent la mécréance. Ils la souhaitent. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a scellé leur cœur? Parce qu'ils n'ont pas voulu de la vérité. Il y a toujours un sabab, il y a toujours une cause. Allah Azza wa Jalla ne scelle pas le cœur comme ça. Ou Allah Tabaraka Ta'ala, il n'augmente pas la maladie de ce cœur-là. Mais parce qu'il veut et il souhaite la mécréance, Allah Azza wa Jalla va leur augmenter cette maladie. Wa min yudlil fala hadiya lah. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. ولهم عذاب أليم فهو شديد وعظيم وكثير. Quelquefois vous allez trouver العذاب عظيم, comme on a vu tout à l'heure. عذاب عظيم لمن؟ الكفار. وللمنافقين قال الله عز وجل عذاب أليم. ما هو العذاب الأليم؟ وهو شديد وعظيم وكثير. C'est un châtiment qui est dur, qui est grand et vaste. Et on verra les différentes sortes de châtiments après. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لِمَاذَا بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ كَاذِبُونَ مُكَذِّبُونَ كَاذِبُونَ مُكَذِّبُونَ. Non seulement ils disent c'est pas vrai, mais ils disent aux gens c'est pas vrai. Ils rendent mensonger la chose. Non seulement ils n'y croient pas eux, mais en plus, ils disent aux gens, n'y croyez pas. Kadibun mukadibun. Ils ne sont pas simplement menteurs. Non seulement ils mentent, ils disent que la chose est un mensonge, mais ils appellent à cela. Ils appellent à cela. C'est-à-dire, yad'u ila al-kufr. Wa min al-fawa'id. Anna l'insana, hiza lam yakun lahu iqbal ala al-haq. وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض. سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية. Lorsque l'homme n'accepte pas la vérité, et donc s'il n'accepte pas la vérité, c'est qu'il a une maladie dans son cœur. Cette maladie va s'augmenter. فزادهم الله مرضا, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, et il a augmenté leur propre maladie. كذلك الفاسق الفاسق الذي يكون في معصية الله عز وجل. C'est pour ça qu'on dit qu'un péché engendre un autre. Un péché engendre un autre. Sauf pour celui المعصوم من عصم الله. Sauf celui qu'Allah a préservé et qui fait tawbah, qui s'est repenti. Un péché engendre un autre. Pourquoi? Parce qu'il commence à aimer le péché. Alors il aime le péché, puis il l'aime, donc il a cette maladie. Allah Azza wa Jalla va lui augmenter à celui-là aussi sa maladie. Et il aime, et il aime, et il aime, hatta yakfur. Il commet un péché qui engendre un autre, et qui engendre un autre, et qui engendre un autre. Et la preuve que les péchés s'engendrent les uns les autres, c'est ce que l'on verra avec les Bani Israël. Puisqu'Allah Azza wa Jalla a dit, et ils ont commis des péchés jusqu'à ce qu'ils ont tué les prophètes. Jusqu'à ce qu'ils ont tué des prophètes. Ils ont commis des péchés, chaque péché engendre un péché encore pire, jusqu'à tuer des prophètes ou l'Arabe Billah. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Et c'est ce qu'Allah Azzawajal a dit, Inna alladhina amanu, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma zdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum, wala liyahdiyahum sabila. Allah Azzawajal a dit, c'est surat al-Nisa, ceux qui ont cru, puis qui ont mécru, puis qui ont cru, puis qui ont mécru, puis leur mécréance fut augmentée, et il n'appartient à Allah Azzawajal, ne leur pardonnera pas, ni ne les guidera vers un droit chemin. ومن الفوائد أن الأسباب إضلال الله عز وجل العبد هو من العبد. Les causes qui ont amené à ce qu'Allah عز وجل égare la personne, elles ne viennent pas d'Allah, mais elles viennent du serviteur d'Allah تبارك وتعالى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن الفوائد أن المعاصي والفسوق تزيد وتنقص. Les péchés et la perversion, c'est bien la preuve qu'elle augmente et qu'elle diminue. الإيمان يزيد وينقص والمعاصي والفسوق تزيد وتنقص. Comme la foi augmente et elle diminue, comme les péchés et la désobéissance augmentent et diminuent. La preuve, c'est ce qu'Allah Azzawajal a dit ici. Ils ont une maladie, Allah Azzawajal leur augmente. Allah Azzawajal va leur augmenter cette maladie. Allah Tabaraka wa Ta'ala va leur augmenter cette maladie. Hein? Et une chose qui augmente, elle diminue. Une chose qui augmente, diminue. ومن الفوائد الوعيد الشديد للمنافقين ولهم عذاب أليم. Le grand avertissement de la dureté envers les hypocrites le jour de la résurrection et dans l'au-delà, c'est qu'Allah عز وجل a dit ولهم عذاب أليم. Ils auront un très dur châtiment. ومن الفوائد أن العقوبات لا تكون إلا بالأسباب. Les châtiments, ils n'adviennent les épreuves, elles n'adviennent, les châtiments, ils n'adviennent que parce qu'il y a eu des causes. Allah Azza wa Jalla ne châtie quelqu'un que parce qu'il a commis un péché. La preuve, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Pourquoi ils ont un عَذَابٌ أَلِيمٌ? لِأَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ وَيُكَذِّبُونَ. Parce qu'ils rendent mensonger le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc il y a une cause et un effet. Hein? Ils ont un châtiment. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis un péché. Quel péché ils ont commis? Un grave péché, c'est qu'ils rendent mensonge le livre d'Allah. Donc si Allah Azzawajal châtie quelqu'un, c'est parce qu'il a commis le péché. Allah Azzawajal ne va pas le châtier s'il n'a rien fait. Allah Azzawajal va le châtier parce qu'il a commis un péché. أن الله لا يعذب أحدا إلا بمعصية الله عز وجل. بالمعصية. بالذنوب. Allah ne châtie pas quelqu'un que parce qu'il a commis. La cause a été les péchés et la désobéissance. ومن الفوائد أن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب وهذا شر الأحوال. Les hypocrites, ils ont les deux, الكذب والتكذيب. Non seulement ils mentent, mais ils rendent mensonge. Ils rendent mensonger, hein, le livre d'Allah. ومن الفوائد أن الكذب سبب للعقوبة. Le mensonge, on a ici la preuve que le mensonge, il est une cause pour être châtié par Allah تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. وهو من آيات المنافق. Et il est parmi les attributs des hypocrites. Comme l'a ramené le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Bukhari wa Muslim, min hadith Abi Hurayra radhiyallahu anhu, ayatul munafiq thalath, idha haddatha kazaba. Lorsqu'il parle, il ment. Hein, parmi les signes de l'hypocrite, lorsqu'il parle, il ment. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Et lorsque tu leur dis ne commettez pas de désordre sur terre, ils disent nous sommes des bienfaisants, nous faisons le bien. Et en vérité, ils sont des gens qui commettent le désordre sur terre, mais ils ne s'en rendent pas compte. ولكن لا يشعرون. قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. Ne commettez pas de désordre sur terre. الإفساد في الأرض هو المعاصي. يقول الله تبارك وتعالى كما فسره بذلك السلف رحمهم الله يقول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس. يعني بالمعاصي. Le désordre sur terre, c'est quoi? C'est de commettre les péchés sur terre. Hatta idha mat al-fasiq qalat al-ard la'natullah alayk. Subhanallah. Idha yakunu al-fasiq yani fi al-ard taht al-ard wa mayyit taqul al-ard la'natullah alayk aw alayk. Lorsqu'un fasiq, quelqu'un qui commettait des grands péchés sans se repentir, il meurt, il est enterré sous cette terre, la terre elle-même le maudit. Elle lui dit qu'Allah te maudisse. Pourquoi? Parce que cela fut pénible pour la terre de porter une telle personne. Parce que la terre, elle est une créature d'Allah et qu'elle obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ يعني, ce sont les péchés. Comme l'ont montré dans l'explication du verset les pieux prédécesseurs à Salaf, lorsqu'ils ont dit « Zahar al-fasad fi al-bar wa al-bahr » Le fasad, le désordre est apparu sur terre et sur la mer « Bima kasabat aydi an-nas » de parce que les gens ont fait de leurs propres mains, ont commis de leurs propres mains. « Fi al-ard al-murad al-ard nafsuha wa ahluha ou kullahuma » Quand on dit « fi al-ard » sur terre, il s'agit de la terre en elle-même ou bien des gens qui vivent sur cette terre ou bien les deux rassemblés. Et l'ifsad fil ard yani le désordre a été commis sur terre c'est-à-dire sur la terre elle-même, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait le désordre sur terre, Allah Azza wa Jalla fait en sorte qu'il n'y ait plus le baraka. Plus de baraka, plus de fruits qui poussent, plus de choses comme ça. La preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jalla châtie certains peuples avec la famine. Ils n'ont plus rien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ont commis le fasad. Al-shirk billah, wal-kufr, wal-sihr, wal-ma'asi, al-zina, wa-ghayrum. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le désordre. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla les a châtiés. Plus il y a de tawhid chez une nation, chez un peuple, plus ce peuple est en sécurité. Il suffit de regarder aujourd'hui. Plus on va vers les gens de Mecca, ou de Médina, ou Ahl al-Tawhid, ou Bilad al-Tawhid, plus on trouve la sécurité. Plus on s'éloigne de ces lieux saints, plus on trouve l'insécurité. Ou al-Fasad, ou al-Shirk, ou al-Bidah. Il suffit de regarder, c'est une réalité aujourd'hui. Tayyib. C'est pour ça que Salaf il disait aussi, si Allah Azza wa Jalla aujourd'hui fait descendre la pluie et fait pousser certaines choses, C'est parce qu'il reste encore des savants et des animaux. Il y en a tellement les gens commettent des péchés qu'ils ne mériteraient même pas d'avoir cette baraka. Hein? C'est pour ça que le salaf il disait, si Allah descend encore la pluie et fait pousser certaines choses, c'est parce qu'il reste encore des savants sur cette terre, l'ulama, hein, wal hayawanat, et des animaux. Par la miséricorde d'Allah pour eux. Ce qui voudrait dire qu'en vérité, c'est que pour ces gens-là et que pour ces créatures-là. Mais que les autres qui commettent les péchés ne le mériteraient même pas. Parce que lorsqu'il y a trop de péchés, Allah Azzawajal enlève la baraka. Et la preuve de cela, c'est ce qu'il y est arrivé à Ali Firaoun, lorsqu'ils ont désobéi à Moussa. Yaqul Allahu Jalla wa'ala. ولقد أخذنا آل فرعون بسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Et nous avons enlevé à la famille de Pharaon pendant des années نقص من الثمرات, c'est-à-dire les fruits, la famine. On a ramené la famine, on a enlevé tout ça. Dans quel sens? Dans quel but? لعلهم يذكرون. Peut-être qu'ils se souviendront, ils se rappelleront. Qu'est-ce qui leur a poussé? Qu'est-ce qui a ramené le fait qu'Allah leur a ramené cette famine? C'est qu'ils ont désobéi à Moussa alayhi salatu wa salam. Taïd. قالوا إنما نحن مصلحون. إنما نحن مصلحون. Le fait qu'Allah Azzawajal il a dit innama nahnu, ce n'est pas comme s'ils ont dit falaw annahum qalu nahnu muslihun, ce n'est pas comme s'ils disaient innama nahnu muslihun, c'est pas comme s'ils disaient nahnu muslihun. On a quoi avant? Innama alaykum salam wa rahmatullah. Innama nahnu muslihun, ce n'est pas comme s'ils avaient dit nahnu muslihun. Limaza? Lorsqu'ils ont dit Nahnu Muslih, s'ils auraient dit Nahnu Muslihun, on est des bienfaisants, ça voudrait dire qu'il y a d'autres gens qui font la bienfaisance. Mais le fait qu'ils aient dit Innama Nahnu Muslihun, yani c'est nous qui faisons le bien sur terre, et pas les autres. Ça montre leur degré de dalal, d'égarement. Innama Nahnu Muslihun. Wala ghayrina, wala ghayruna. Pas, c'est pas quelqu'un d'autre, il n'y a que nous. Faisons le bien. C'est pour ça que l'Azul a dit وَقَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ وَمَا قَالُوا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Si tu dis نَحْنُ مُسْلِحُونَ, c'est vrai, on fait le bien, ça peut vouloir dire que d'autres gens font le bien. Mais eux, ils ont été plus loin, ils ont dit إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Donc إِنَّمَا, ici, ça vient appuyer. يعني مَا حَالُنَا إِلَّا إِصْلَاح. C'est-à-dire que notre situation, dans notre situation, on ne trouve que le bien. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui appelle au bien comme nous. هم يقولون هذا. إنما نحن مصلحون. وقال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون. Et bien comme eux, ils ont voulu appuyer en disant إنما نحن, Allah عز وجل رد عليهم بقوله ألا إنهم هم. ألا أولا إنما هم. رب عليهم. Comme ils ont appuyé en disant, certes nous, il n'y a que nous qui faisons le bien, il n'y a que nous qui appelons au bien, l'Azul, il leur ramène, رب عليهم, il les corrige en disant, ألا إنهم هم, ألا إنهم هم, المفسدون. Eh bien, certes, ce sont eux qui commettent le mal sur terre. Hein? رب عليهم. باللغة العربية إنما نحن إنما هم الله عز وجل رد عليهم بقوله ألا إنهم هم سبحان الله الله عز وجل حتى باللغة العربية رد عليهم même par la langue arabe il montre qu'il les rabaisse encore plus. Eux ils ont voulu montrer إنما نحن, ils n'ont pas voulu dire نحن مصلحون إنما نحن مصلحون رد الله جل وعلا بقوله ألا إنهم هم Al-Mufsidoun. Non, ce sont certes ceux. En français, on ne le sent pas trop, mais en arabe, on le sent directement. Hein? Allah a appuyé ici le sens en disant certes, ce sont eux qui commettent le désordre sur terre. وقوله ولكن لا يشعرون لا يشعرون أنهم مفسدون. Ils ne savent même pas qu'ils sont des gens qui commettent le mal sur terre. Ils ne s'en rendent pas compte. La yashurun. Al-fawaid. أن النفاق الذي هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر من الفساد في الأرض. L'hypocrisie, c'est le fait de montrer l'islam et de cacher la mécréance. Ça fait partie de الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. والنفاق من أعظم الفساد في الأرض. L'hypocrisie est l'une des choses la pire dans sur cette terre, commis sur cette terre. ومن الفوائد, parmi les choses étranges, c'est que l'homme أن يزين الإنسان الفساد حتى يرى أنه مصلح لأنهم يقولون إنما نحن مصلحون. Quelqu'un commet le désordre sur terre jusqu'à ce qu'il en arrive à en penser et à croire qu'il commet le bien. Il fait du bien. مثلا المبتدع. المبتدع الذي يبتدع في دين الله عز وجل هو يظن أنه مصلح. ولهذا قال بعض العلماء المبتدع هو يدخل في هذه الآية. قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. المبتدع هو يظن أن بدعته خير كبير وعظيم وفي الحقيقة شر. يقول بعض السلف الخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. فك certains savants ont dit que le mubtadi' il rentre dans ce verset. Lorsqu'ils ont dit certes nous on fait le bien sur terre, eux ils pensent qu'ils font le bien sur terre avec leurs innovations. Ils pensent que c'est bien leurs innovations, qu'ils ont innové dans la religion d'Allah. Alors qu'en vérité c'est un mal. Kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar. Alors ils pensent que c'est un bien. Et ils disent comme on dit les hypocrites. C'est bien ce que l'on fait. On appelle au bien et ce qu'on fait c'est un bien. Ils ne se rendent pas compte. Alors qu'en vérité c'est un mal ce qu'ils font car ils ont innové. Ils ont rajouté à la religion d'Allah, ou diminué à la religion d'Allah, ou transformé cette religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. عندهم, ولا عند الله عز وجل. عند الناس, ولا عند الله سبحانه وتعالى. Quand on dit qu'ils ont transformé cette religion, ils ont enlevé ou diminué cette religion, auprès des gens, mais pas auprès d'Allah. L'islam, il est resté comme il a été. Il restera jusqu'à la fin des temps, auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب. Donc, min al-fawaid, on voit que l'homme, il commet le désordre sur terre et il embellit la chose qu'il commet jusqu'à croire que ce qu'il fait, c'est quelque chose de bien. Wa min al-fawaid, seul le croyant a un regard qui n'est pas diminué sur ce qu'il fait. Le croyant, il fait attention à tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Il sait qu'est-ce qui est l'islah et qu'est-ce qui est le fasad. Il sait là où il y a le maslaha et là où il y a le masfada. Kayfa? Bil kitabi wa sunnah. Wa bil fahmi sahih, bil ilm. Par la science, le croyant, il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. À l'inverse du munafiq, de l'hypocrite qui lui pense que ce qu'il fait est bien alors que c'est un mal. On a la preuve ici que ce n'est pas toute personne qui appelle à une chose qu'elle est un bien. Et ce n'est pas toute personne qui pense que cette chose-là est bien qu'elle est forcément un bien. لأنهم قالوا إنما نحن مصلحون. كيف النفاق? Ils ont dit nous sommes des gens qui commettons le bien. Nous sommes des gens de bien qui appelons au bien. Alors que c'est des hypocrites. Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas toute personne qui appelle à un bien que la chose est bien. Et ce n'est pas parce que la majorité des gens vont dire ça, c'est bien, que la chose, elle est bonne aussi. Et ce n'est pas aussi parce que ça, c'est le manhaj. Ce n'est pas toute personne qui dit une vérité qu'il est forcément dans la vérité. Ce n'est pas toute personne qui dit une vérité qu'il est forcément dans la vérité. On trouve des gens qui défendent certaines personnes en disant, oui, mais attends, il a dit ça, ça, ça, et ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il a dit une vérité ou deux ou trois vérités qu'il est dans la vérité. Al-Shaytan, le diable qui est venu voir Al-Sahabi qui gardait les biens de la Zakat, il lui a dit, donne-moi. Il lui a dit, je ne donne pas. Il est venu voir le prophète le lendemain, il lui a dit, quelqu'un est venu te voir, il lui a dit, quelqu'un est venu me voir. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Il m'a demandé de lui donner des biens. Il lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il ne reviendra pas. Il a dit, il reviendra. Il reviendra et te redemandera. Ça s'est passé pendant deux ou trois fois comme ça. Sauf que la dernière nuit, il lui a dit, donne-moi et je te donne quelque chose qui te protégera durant la nuit des diables. Et pourtant, c'est qui lui dit? C'est un diable. Et il a su que c'était un diable, pourquoi? Parce qu'il a vu les pieds. Il a vu des pattes de, il a vu les mains, il a vu des pattes de chien, au lieu de voir des mains sur cet homme-là. Parce que les djinns, ils prennent l'apparence humaine, mais certains, ils ont une apparence mi-homme, mi-animal. Et lui, il a vu cet homme-là, et quand il a vu les pattes de chien, il a dit, Mahada. Il lui a dit, t'es qui, toi? Hein? Il a vu qu'il y a quelque chose de pas normal. Il lui a dit, toi, t'es pas minalin, t'es pas parmi les hommes. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Al-Muhim, la dernière nuit, il lui a dit, je te donne quelque chose, Ayat al-Kursi. Récite Ayat al-Kursi avant de dormir, et tu seras protégé des diables jusqu'au matin. Il est retourné voir le prophète, le compagnon. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Le prophète, il lui a dit, le menteur t'a dit vrai. Le menteur t'as dit vrai. Okay, comment un menteur il peut dire quelque chose de vrai? C'est un menteur, pourquoi? Parce que c'est un diable. Mais il a dit une vérité. Est-ce que le diable est dans la vérité? Non. Est-ce qu'un diable est dans la vérité? Un diable n'est pas dans la vérité, sinon ce ne serait pas un shaitan. Mais pourtant il a dit une vérité. Ça c'est bien la preuve que ce n'est pas parce que la personne dit une vérité que ça y est, il est dans la vérité. Et qu'il est forcément dans le bon manhaj. Hein? Comme cette belle parole, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. طيب c'est pour ça qu'Allah a dit au Coran afaman quant à celui zuyyina lahu su'u 'amalihi nous lui avons embelli sa bonne action sa mauvaise action nous lui avons embelli sa mauvaise action fara'ahu hasanan. Il voit cette mauvaise action comme quelque chose de hasanan, quelque chose de bien. Fa inna Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Et certes, Allah égare qui il veut et il guide qui il veut. Tayyib, wa min al-fawaid. L'homme, à cause, l'homme est éprouvé à cause du fasad qui a été commis sur terre. L'homme est éprouvé à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit sur eux, Walakin la yash'urun, ils ne s'en rendent pas compte. Hein? Donc cela est la preuve que lorsque l'insan, il va commettre un mal, il commet du mal, il commet du mal, ce mal-là va avoir comme répercussion sur lui jusqu'à ce qu'il ne se rende même plus compte du mal qu'il fait. Et ça va plus loin jusqu'à ce qu'il considère que c'est quelque chose de bien. Que c'est quelque chose de bien. Taïe, wa min al-fawa'id, quwwatu ar-radd 'ala man yaqul annahum muslihun. Ala innahum hum al-mufsidun. Ala wa humu. Comme on l'a vu, hein, la puissance de la correction qu'Allah Azzawajal leur donne par la langue arabe, lorsqu'ils ont dit Innama nahnu muslihun, Innama, Allah Azzawajal leur a répondu par Ala innahum humu. Ala innahum humu. Il a insisté encore plus que eux. Donc pour Rabb alayhim, pour les contredire. Ça, c'est la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ala khalaqihi. وقال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Et lorsque tu leur dis croyez comme ont cru les gens, ils disent nous croyons, nous allons croire comme ont cru les simples d'esprit. Et Allah Azza wa Jal leur réplique ce sont eux les simples d'esprit, mais ils ne savent pas. Ici, remarquez, il n'a pas dit wala yashurun, qala wala ya'lamun. On va voir pourquoi. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Si tu leur dis croyez comme ont cru les gens. الناس الصحابة الذين في المدينة وإمامهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن عبد الله. Qui sont les gens ici? الناس. Ce sont. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Croyez comme ont cru les gens, c'est-à-dire comme ont cru les compagnons du prophète sallam. Ici, ils sont à Médine. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء. Allons-nous croire comme les faibles d'esprit. المنافق ويسب الرسول ويسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سب الأصحاب من النفاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق. Il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم insulter mes compagnons fait partie de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que les hypocrites eux insultent les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم et ils insultent le messager d'Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسفهاء الذين ليس لهم رشد ولا عقل. C'est quoi السفهاء? Ce sont ceux qui sont dénués de guidée et de raison. Dénués de guidée et de raison. Voilà comment ils ont insulté le prophète صلى الله عليه وسلم ainsi que ses compagnons. وشيعة عندهم صفة المنافقين. يسبون الصحابة. كأبي بكر وعمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. ألا إنهم هم السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء. Encore une fois الله عز وجل رد عليهم. Il les contredit avec force en disant وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. Certes, ce sont eux qui sont les gens dénués de guidée, les gens dénués de raison. ولكن لا يعلمون. Ils ne savent pas qu'ils ne sont pas dans la guidée et qu'ils n'ont pas leur raison. Ils ne se rendent pas compte d'eux, ils ne savent pas dans lequel état ils sont. وَإِذَا قِيلَ قَائِلٌ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. C'est quoi la différence entre ces deux-là? On a vu que dans les deux versets d'avant, c'était وَلَا يَشْعُرُونَ. Et dans ce verset, وَلَا يَعْلَمُونَ. Les deux premiers, c'était ils ne se rendent pas compte. Le troisième verset, ils ne savent pas. Taïd. Si on remarque bien, lorsqu'il a mentionné Wala Yashurun, il a parlé de l'ifsad ou fil ard. Quelqu'un il peut commettre le désordre sur terre. Il commet le désordre sur terre, et il se peut qu'il se rend compte, c'est-à-dire il se peut que ce désordre qu'il a commis sur terre ait des traces sur lui comme n'est pas de traces sur lui. Là, il y a ne s'en rend pas compte. Et ami, le lien qu'il y a entre les deux, c'est l'athar. Est-ce que ça a laissé des traces sur la personne ou ça n'a pas laissé des traces sur la personne? Hein? Elle est là la question. Est-ce que le désordre qu'il a commis sur terre, est-ce que ça a laissé l'athar à la nafsihi ou à la ghayrihi? Hein? Wa hum la yash'urun. Ou fi qawli Allah azza wa jalla, wa hum la ya'lamun. La ya'lamun. Ils ne sont même pas. Ils ne savent même pas, c'est même pas qu'ils ne s'en rendent même pas compte, mais qu'ils ne savent même pas que ça a laissé des traces, ce qu'ils ont commis. Ce qu'ils ont commis comme désordre, ou bien ce qu'ils ont commis comme. Ils ne se rendent même pas compte de l'état dans lequel ils sont. Il se peut qu'il ait commis le désordre sur terre et qu'il ne s'en rend pas compte, que c'est retombé sur lui ou sur quelqu'un d'autre. Quant à son propre état, il ne le connaît même pas. La ya'lam. Wahum la ya'lamun. Son propre état, il ne le connaît même pas. Il est complètement ignorant de ce qu'il est en réalité. ومن الفوائد أن المنافق لا تنفعه الدعوة إلى الخير. L'hypocrite, le fait qu'il appelle au bien, le fait que tu l'appelles au bien, le fait que tu l'appelles au bien, ne rapporte aucun bien auprès de lui. لماذا؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. Croyez comme ont cru les gens, comme a cru le prophète صلى الله عليه وسلم, comme ont cru les Sahaba. Et le fait que cela n'a aucun effet sur eux, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. Nous allons croire comme des gens qui sont dénués de raison et dénués de guidée. ومن الفوائد إعجاب المنافقين بأنفسهم. Comme un munafiq, il est étonnant, entre parenthèses, sur lui-même. أنؤمن كما آمن السفهاء. C'est-à-dire le munafiq, il s'étonne de lui-même. Moi, je vais suivre des gens comme ça. Il s'étonne de lui-même. Il pense qu'il est au-dessus de ces gens-là et qu'il est meilleur que ces gens-là. أنؤمن كما آمن السفهاء. Nous allons croire comme ont cru les gens qui sont limités dans leur esprit et qui n'ont pas de guidée. Il est étonné de lui-même, al-munafiq. Il y a certaines choses que l'ulama il mentionne et qu'Allah Azza wa Jalla a mentionné dans son Coran avant tout, et c'est là que l'ulama ils ont tiré certaines conclusions, c'est que par le livre d'Allah on apprend à connaître les gens. Et par la sunna du prophète, on apprend à connaître des gens. Comme on a dit, l'hypocrite il a des signes, l'alamat. Quand il parle, il ment. Quand il lui laisse un dépôt, il rompt le dépôt. Quand il passe un pacte avec lui, il coupe ce pacte. Donc Allah Azza wa Jalla nous a démontré comment sont ces créatures. Et il a classifié ces créatures et il leur a donné des signes à ces créatures. Comme il a donné des signes aux croyants, et on arrive à savoir qui est croyant, de qui il ne l'est pas. Comme on sait qui est un fasiq, de qui ne l'est pas. Celui qui commet des grands péchés, qui ne se repent pas, un fasiq. Man huwa al-kafir. من هو المشرك من هو الفاسق من هو المبتدع ومن هو الساحر إلى آخره. Comment on sait tout ça? Parce qu'Allah Azza wa Jal les a décrits dans son livre et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. طيب. Dans tout temps et en tout lieu, les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala ont insulté les prophètes et ceux qui ont suivi ces prophètes. La preuve, c'est que même à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites l'ont insulté parce qu'ils ont dit "Anu'minu kama amana as-sufaha". Donc ici, ils insultent. Hein? Chaque ennemi d'Allah azza wa jalla a toujours insulté les prophètes et les messagers ainsi que ceux qui les ont suivis. ومن الفوائد parmi les bienfaits que l'on retire encore de cela, c'est que toute personne qui ne croit pas est parmi les gens, minas-soufaha, parmi les gens qui sont dénués de raison et dénués de guidée. Pourquoi? Parce que les hypocrites ont dit, Allah nous a dit sur eux, Ala innahum humus sufaha. Donc toute personne qui ne croit pas, comme a cru le prophète sallam, comme ont cru as-sahaba radiallahu anhum, alors il ne rentre pas parmi les croyants. Et cela signifie qu'il est minas-soufaha. Il est parmi ces gens-là, qui sont dénués de guidée et dénués de raison. C'est pour ça que l'Azza dit pour celui qui ne suit pas la religion d'Ibrahim, qala illa man safiha nafsah. Hein? C'est-à-dire, ils ne sont pas accrochés à la religion d'Allah, ils sont accrochés à la religion d'Allah, sauf qui? Illa man safiha nafsah. C'est-à-dire celui qui est dénué de raison et de guidée. وَأَنَّهُ مِنَ السُّفَهَاءِ. Donc il est parmi السُّفَهَاءِ. طيب. Donc la chose qui permet de ne pas tomber مِنَ السُّفَهَاءِ, c'est الْإِيمَانُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِتِّبَاعُ شَرِيعَتِهِ شَرِيعَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى الْقُرْآنِ wa sunnah. Celui qui suit le kitab wa sunnah, qui a foi en Allah tabaraka wa ta'ala et qui suit le kitab wa sunnah, bi'idhnillah huwa laysa min as-sufaha. Wa min al-fawaid tahqiqu ma wa'ada Allah jalla wa 'ala bihi min ad-difa' 'an al-mu'minin. Le pacte qu'Allah azza wa jalla a donné aux croyants qui est de les défendre. Les hypocrites insultent les croyants, Allah Azza wa Jal les défend. Al-Kuffar insulte les croyants, Allah Azza wa Jal les défend. Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah, et certes Allah, yudafi'u anil ladhina amanu. Et certes Allah défend ceux qui ont cru. Et c'est pour ça lorsqu'ils ont dit, Anu'minu kama amana as-sufaha. Ici, ils ont insulté les croyants. Allah Azza wa Jal les défend. Ala innahum hum soufaha. Vous traitez le prophète sallam et ses compagnons d'être des ignorants, d'être des gens dénués de raison et de guidés. C'est certes vous qui êtes dénués de raison et de guidés. Allah tabarak wa ta'ala défend les croyants dans ce verset. Wa hadha dalil ala anna al-muslim wa azim inda Allah jalla wa ala. ولهذا عنده حقوق. C'est la preuve que le croyant il est grand auprès d'Allah. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné des droits, comme le visiter lorsqu'il est malade, comme de participer à ses funérailles, ses funérailles, de suivre le cortège ou de répondre à son salam. Etc. etc. Le fait qu'Allah lui ait donné tous ses droits, ça prouve que la personne est grande auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme il a donné des droits au prophète sallam sur nous, tellement le prophète sallam a une place élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a donné des droits aux savants, pourquoi? Parce que leur place est élevée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il a donné des droits pour le bien entre l'épouse et l'époux. Donc on se doit de, comme Allah Azza wa Jalla a défendu les croyants, nous-mêmes de défendre les croyants et de défendre nos frères et nos sœurs lorsque leur honneur est touché. On se doit de les défendre et de ne pas avoir peur de qui que ce soit. Car Allah tabaraka wa ta'ala, lui subhanahu wa ta'ala, a défendu les croyants, et le prophète sallam a toujours défendu les croyants. Il n'a jamais eu peur de qui que ce soit afin de défendre les croyants et de défendre cette religion. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il allait voir les gens de Quraysh, les nobles de Quraysh, et restait le Coran devant eux. Jusqu'à ce qu'un jour, ils n'étaient pas beaucoup à ce moment-là. C'était les débuts de l'islam dans la péninsule arabe, jusqu'à ce que les gens qui étaient avec lui lui ont dit, on craint pour toi, un jour ils vont t'attraper, ils vont te battre. Ils vont te battre à mort ou à fond. Donc essaye d'arrêter de faire cette chose-là. Le lendemain, il est retourné, il est revenu en sang. Ils lui ont sauté dessus, ils l'ont tapé, il est revenu des vêtements déchirés avec le sang qui coulait sur lui. Et ils lui ont dit, ce que nous avions peur pour toi est arrivé. Il a dit, Wallahi, demain matin, j'y retournerai. Et je recommencerai la même chose. Hein? Lui, il y allait, il restait au Coran. Coran, Coran. Donc il n'avait pas peur de ça. Pourquoi? Parce qu'il défendait la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il le pouvait. Il n'avait pas le quoi, il n'avait pas la force, il n'avait pas d'armes, il n'avait rien. Et bien sa force, c'était quoi? De rester au Coran. Hein? C'était avec ça qu'il venait. Et c'est là qu'on reconnaît la foi de la personne. Celui qui défend sa religion avec conviction, cela prouve qu'il a une certaine force de foi. Quant à celui que sa foi, dont sa foi est faible, il ne défend pas la religion, il ne défend pas le prophète, il ne défend pas as-sahaba, il ne défend pas son manhaj, manhaj salaf, il ne défend pas sa religion. Pourquoi? Ça, c'est bien la preuve que sa foi, elle est faible. Et c'est pour ça que les salafs, ils ont dit, man khafa Allah khafahu kullu shay, wa man khafa ghayra Allah khafa min kulli shay. Celui qui a peur d'Allah, toute chose aura peur de lui. Quant à celui qui a peur des choses, qui a peur d'un autre qu'Allah, celui-ci a peur de tout. Subhanallah. Al quwwatul iman fi qalbi al mu'min. Ça, c'est la preuve de la puissance de la foi chez le croyant. وفي الفوائد من الفوائد الدليل على جهل المنافقين هم الجاهلون يقول الله عز وجل ولكن لا يعلمون الذي لا يعلم فهو جاهل وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قال انا عالم فهو جاهل ما شاء الله celui qui dit je suis savant celui-là c'est un ignorant عمر بن الخطاب il a dit. Pourquoi? Parce que la personne, elle ne doit pas regarder ce qu'elle a appris, elle doit regarder tout ce qui reste à apprendre. Et sa vie ne suffira pas. Sa vie ne suffira pas. La science, elle est trop vaste. Hein? La science, elle est trop vaste. Tayyib. يقول الله جل وعلا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Allah yasta'ziru bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Et quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, nous croyons. Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent, nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisions que nous moquer d'eux. C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. وإذا لقوا الذين آمنوا c'est-à-dire lorsqu'ils rencontrent et qu'ils s'assoient avec les croyants قالوا للمؤمنين الذين للمؤمنين ils disent aux croyants avec qui ils sont assis آمنا كإيمانكم nous croyons comme vous croyez on est des croyants comme vous وإذا خلوا إلى شياطينهم et lorsqu'ils s'assoient avec leur diable certains, ils ont dit, avec leur diable, c'est-à-dire avec leur tête, hein, les têtes qui sont parmi eux. قال الشيخ صالح الفوزان كل من خرج من طاعة الله أنه شيطان toute personne au moment où il sort de l'obéissance d'Allah ça veut dire qu'il est dans la désobéissance il est في حال الشيطان il est un diable à ce moment-là شيطان إنس طيب وإذا خله إلى شياطينهم c'est-à-dire خله إلى شياطينهم lorsqu'ils sont entre eux, et que entre eux, il n'y a pas les croyants avec eux. Lorsqu'ils sont cachés, ils restent entre eux. Taïd. Wa shaytan يقول الله عز وجل: ويتبع كل شيطان مريد. الشيطان يعني البعد من رحمة الله عز وجل. Celui qui est éloigné de la miséricorde d'Allah. Ne pas voir la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وقالوا إنا معكم. Lorsqu'ils rencontrent leur diable, ils restent avec eux, leurs têtes qui sont avec eux, leurs chefs qui sont comme eux, ils disent إنا معكم. Nous sommes avec vous. Yani, ce n'est pas parce que vous nous voyez marcher avec les croyants qu'on est avec eux. Non, bien au contraire. Nous sommes avec vous. C'est-à-dire, en vérité, qu'ils montrent deux facettes. Lorsqu'ils sont avec le mu'minin, يُظَهِرُ الْإِسْلَامِ وَيُبَتِنُ الْكُفْرِ. وإذا يجلس مع المنافقين يظاهر الكفر يظاهر الكفر ولا يباطن الإسلام. Lorsqu'ils sont avec les croyants, ils montrent l'islam et ils cachent leur mécréance. Lorsqu'ils sont avec les leurs, ceux qui sont comme eux, cette fois-ci leur mécréance ressort, mais leur islam n'existe plus. Il n'y a plus cet islam apparent. Il n'y est plus. طيب. وقالوا إنما نحن مستهزئون. Et certes, nous nous moquons. Nous nous moquons d'eux. Pourquoi nous nous moquons d'eux? Parce que nous les trompons. Ce sont les hypocrites qui disent ça sur les croyants. ورب الله عز وجل عليهم الله يستهزئ بهم. Encore une fois, ils se sont attaqués aux croyants en disant nous nous moquons des croyants. Allah عز وجل défend les croyants et dit إن الله فرت الله يستهزئ بهم. C'est Allah qui se moque d'eux. Ils pensent qu'ils se moquent des croyants, mais c'est Allah عز وجل qui se moque d'eux. تبارك وتعالى. Et c'est pour ça que يوم القيامة أنهم في الآخرة ils auront le plus dans le jour de la le jour dernier, dans l'au-delà, ils auront le degré le plus bas de l'enfer. Al-Munafiqun. C'est pour ça que les hypocrites, pour avoir mentionné de telles paroles, pour avoir essayé de tromper le prophète et le sahaba, tellement leur mal il est énorme. Hein, et la preuve, c'est qu'on a 5 versets qui nous donnent la description des croyants, 2 versets qui nous donnent la description du kafir, et 13 versets qui nous donnent la description du munafiq. 13 versets. Jusqu'à ce qu'on ait une sourate qui s'appelle Al-Munafiq. Al-Munafiqun, les hypocrites. Tellement le mal, leur mal, il est grand. Donc Allah Azza wa Jal va les égarer encore plus afin que leur châtiment soit encore plus grand. Lorsqu'une personne veut l'égarement, Allah Azza wa Jal va l'égarer. Allah Azza wa Jal égare. Wa min yudlil. Le fait qu'Allah Azza wa Jal dit « وَمَنْ يُدْلِلْ » celui qu'Allah égare, c'est bien la preuve qu'Allah Azza wa Jal égare. « لكن بسبب » « والسبب عند الإنسان ولا عند الله عز وجل » Allah il égare, parce qu'il y a une cause, mais la cause c'est pas Allah Azza wa Jal qui l'a fait, c'est l'être humain qui l'a fait cette cause. Donc il va glisser, fit balal, dans l'égarement, jusqu'à ce qu'il sera égaré. Et Allah tabaraka wa ta'ala va l'égarer encore plus, et encore plus, encore plus, encore plus, pour que le châtiment du Malkhiyama soit encore plus grand. كذلك الكافر ويسكن في الأرض. Il mange, il boit, il profite de la vie d'ici-bas, alors que tout ce qui a été fait dans la vie d'ici-bas, ça a été fait pour que le croyant il en profite. Il profite de tout cela alors qu'il يكفر بالله عز وجل. Et bien tout ça, حجة عليه يوم القيامة. Chaque chose qu'il a mangé, chaque chose qu'il a bu, chaque chose dont il s'est habillé, c'est une preuve contre lui, يوم القيامة, le jour de la résurrection. Il en est de même pour le munafiq, son égarement va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir, jusqu'à ce qu'il aura un châtiment encore plus grand. ومن الفوائد ذل المنافق. فالمنافق ذليل. Ici on a la preuve que le munafiq, l'hypocrite, c'est quelqu'un qui se rabaisse. Il n'a pas de fierté. Il ne vient pas devant les croyants en disant « Moi, je ne crois pas en ce que vous croyez. » Non, il vient. « Nahnu nu'minu. » On croit. « Ana mu'min. »« Ana muslim. » Comme vous. Ça, c'est la preuve que quoi ?« Zillah. » C'est du rabaissement. Il s'humilie devant les croyants en vérité. Il pense qu'il a le dessus sur eux, en vérité, il ne fait que se rabaisser. Pourquoi? Parce qu'il a peur pour ses biens et son sang. Taïb. Wa min al-fawa'id anna Allah yasta'ziru biman yasta'ziru bihi ou bi rusulihi alayhi salatu wa salam ou bi shari'atihi ou bi kitabihi. Allah Azza wa Jalla se moque de celui qui se moque de lui ou de ses prophètes ou de ses livres ou des croyants. Taïb. Et là, il y a eu quatre classifications. C'est-à-dire, est-ce que la moquerie, le fait qu'Allah Azzawajal se moque, il y a la première classe qui est que ce serait une sifa. La première chose que l'on doit dire plutôt, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala est parfait dans ses attributs. Et Allah Azzawajal ne s'est pas appelé le moqueur. On n'a aucun texte qui nous montre qu'Allah Azzawajal s'est appelé, s'est donné comme nom, le moqueur. Mais il s'est donné la sifa. Yasta'ziru bihim. Il se moque. Yasta'ziru bihim. Ça veut dire qu'Allah Azzawajal se moque. Wa hada min sifatillahi Azzawajal. وصف الله عز وجل على نفسه في كتاب الله عز وجل في كتابه هذه الصفة صفات الله عز وجل c'est un attribut d'Allah تبارك وتعالى donc on ne peut pas le renier cet attribut et on sait que ce qu'Allah عز وجل s'est attribué est parfait. طيب ثانيا Donc la première chose qui a été dit, c'est que c'est un attribut d'Allah, mais que ce n'est pas un de ses noms. Parce qu'Allah ne nous a pas informé comme quoi c'était l'un de ses noms. Comme huwa yatakallam, wa hal wa naqul annahu al-mutakallam. Wa hal naqul min asma'il azza wa jalla huwa al-murid. Allah azza wa jalla yurid. Wa hal naqul annahu al-murid ou al-mutakallam, ma huwa yatakallam. La. Allah Azza wa Jalla il parle, est-ce qu'on peut dire qu'il est le parleur, al-mutakallam? Non. Parce qu'on n'a pas de texte sur ça. On a des textes sur la sifa, sur l'attribut, mais pas sur le nom. Min kulli ism sifa, wa laysa min kulli sifa ism. Abil qa'ida inda al-sunnati wal-jama'a. De tout nom découle un attribut. Ar-Rahman, ar-Rahma. Lakin, yatakallam, hal huwa al-mutakallam? La. طيب d'autres ils ont dit فهذا سمى الله به ils ont dit على الإطلاق ils ont dit on ne fait pas de distinction Allah عز وجل il a dit qu'il s'est moqué alors on dit qu'il est moqueur ils ont dit de sifa on donne l'ism et on le mentionne ce nom comme on dit الرحمن الرحيم الغفور السميع البصير ou ma ashbahu dhalik. Ça veut dire que pour eux le nom est compris avec la sifa. La sifa comporte le nom. Troisième chose qui a été dite, le fait qu'Allah Azza wa Jalla se moque, il faut prendre cette sifa et dire qu'Allah Azza wa Jalla se moque. Mais est-ce qu'il se moque tout le temps? Là. Ça veut dire que cette sifa n'est pas comme un sifa al-hayat, la vie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui elle est éternelle. Ça veut dire que les ulama ils ont dit, Allah azza wa jalla se moque avec les moqueurs. Yukhadi'un Allah, comme ils ont dit, yukhadi'un Allah, ils veulent tromper Allah. C'est certes Allah qui les trompe. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla trompe tout le monde? Non, il trompe les trompeurs, comme il est rusé avec les ruseurs, comme il se moque de ceux qui se moquent. Voyez? Ah ben. Et le fait que, quatrième chose, c'est que le fait de lui attribuer cette sifa à l'itlaq, c'est naqf. Le fait d'attribuer à Allah Azzawajal cette sifa à l'itlaq, c'est-à-dire d'une manière absolue, c'est une erreur. Sinon, ça ramène quoi ici? Une diminution auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors qu'Allah Azzawajal se moque de ceux qui se moquent de lui, ou de ceux qui se moquent de sa religion, ou de ceux qui se moquent des prophètes et des compagnons, ou bien des croyants. Mais Allah Azzawajal ne se moque pas des croyants. Donc on ne peut pas lui attribuer cette sifat, itlaqan. Là. Allah Azzawajal se moque de ceux qui se moquent. Mais Allah Azzawajal, on ne peut pas dire qu'il se moque à l'itlaq d'une manière absolue. Comme on l'a vu ici. طيب ومن الفوائد ويمدهم في طغيانهم يعمهون il les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement. Il va les enduire dans leur égarement, il va les enduire encore plus. Fitourianihim ya'mahoun. Wa yamudduhum fitourianihim ya'mahoun. Ça prouve quoi? Ça prouve que al-zalim, l'injuste, ça prouve que l'injuste, plus il ira dans son injustice, plus Allah Azza wa Jal va l'égarer dans son égarement. Pourquoi? Parce que il veut cette chose-là. Il veut s'égarer, alors Allah Azzawajal va l'égarer. Subhanahu wa ta'ala. Il va l'enfoncer dans son égarement. Fa'in qala qa'ilun. Là, il y a une question qui est intéressante et qui vient, c'est comment savoir si les bienfaits que je reçois sont une preuve pour moi ou contre moi? Pourquoi? Parce qu'on a ici la preuve que lorsque quelqu'un est égaré, Allah Azzawajal va tout lui donner. Comme le kafir. Allah Azzawajal lui donne tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, il lui donne. Et on a vu que c'était chaque chose qu'il prendra sera une preuve contre lui. Mais toi, alors comment tu vas faire la différence entre un bienfait qu'Allah te donne, si c'est un bien pour toi ou c'est un bien contre toi? Fal jawab. أن الإنسان إذا كان مستقيما على شرع الله تبارك وتعالى فهذه النعمة من باب الجزاء وإذا كان مقيما على معصية الله عز وجل هذه حجة عليه. C'est très simple. Si l'insan, l'homme, il est sur la droiture de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, alors qu'il prenne ses bienfaits comme une récompense. Mais s'il est dans les péchés, continuellement dans les péchés, il ne se repent pas, et il a ses bienfaits, qu'il les prenne comme une preuve contre lui. Et qu'il les prenne non seulement comme une preuve contre lui, mais qu'il sache que c'est fait pour l'égarer encore plus. Jusqu'à ce qu'il va oublier Allah tabaraka wa ta'ala. وفي معصية الله وفي المعصية وفي المعصية حتى ينسى ربه ودينه ونبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حتى مات على الكفر والشرك بالله عز وجل يبقى أوبلي الله سبحانه وتعالى jusqu'à ce qu'il va devenir كافر أو مشرك puisque ça c'est le but final que le diable essaie de te faire tomber là-dedans. طيب يقول الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ceux-là ont troqué l'égarement pour la vérité. Ce sont ceux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement, et bien leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas, c'est-à-dire leur commerce, leur négoce n'a point profité, et ils ne sont pas sur la bonne voie. Oulaïka, yani les munafiqun. Donc, ils ont changé l'acquitté contre l'égarement, parce qu'ils l'ont voulu, et certes, ce commerce-là qu'ils ont commis ne va pas leur amener un bénéfice, mais bien au contraire, cela va leur amener la perte. وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Et ils ne sont pas concernés par la guidée, bien au contraire, ils sont concernés par le reste. Ils font partie des égarés et qui sont égarés de leur propre voie et de la voie droite. وَمِنَ الْفَوَائِدِ مِنْ هَذِي الْآيَةِ. La preuve que الْمُنَافِقُونَ هُمْ السُّفَهَاء. يقول الله عز وجل وما كانوا مهتدين. La preuve que les hypocrites sont parmi les gens dénués de raison et de guidée, c'est qu'Allah عز وجل a dit à la fin وما كانوا مهتدين. Ils ne sont pas parmi les bien guidés. S'ils ne sont pas parmi les bien guidés, أنهم السفهاء. Ce sont eux السفهاء, comme on l'a déjà expliqué avant. ومن صفات المنافقين الضلال. الذين اشتروا الضلالة بالهدى هم في الضلال بلا شك. Parmi les signes de l'hypocrite, c'est qu'il est égaré et qu'il est concerné par l'égarement, et que le chemin de l'hypocrite mène à l'égarement, que le chemin de l'hypocrite mène à l'égarement et éloigne de la guidée. Troisième فائدة أن الإنسان قد يظن أنه أحسن عملا وهو قد أفاء. L'homme pense qu'il a fait une bonne action alors qu'il a fait un mal. Comme ici, ils ont troqué. Ils ont fait quoi? أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. هذا الشر. والمنافق ويظن أنه خير. Donc il pense qu'il a fait un bien alors qu'il a fait un mal. Il a échangé الضلال contre الهداية الهدى. Donc, l'homme pense faire une bonne chose alors qu'il a fait un mal. La preuve, elle est là. طيب ومن الفوائد من هذه الآية وما كانوا مهتدين. السلام عليكم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وهكذا كل فاسق أو مبتدع يظن أنه على حق فإنه لن يرجع فالجاهل البسيط خير من هذا خير من هذا. Il a dit, le fait qu'il a, Allah a dit, وَمَكَانُ مُهْتَدِينَ, ils ne sont pas parmi les bien guidés, et qu'ils aient échangé la guidée contre l'égarement, il a mentionné, وَهَذَا كُلُّ فَاسِقٍ, tout pervers, c'est comme les grands péchés qui ne se repentent pas, أَوْ مُهْتَدِيرٍ, ou bien innovateur, يَذُنُّ أَنَّهُ عَلَى حَقٍ, pense qu'il est sur la vérité, فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعٍ, لَنْ, مَقَالَ لَنْ, لَنْ, il ne reviendra jamais. Parce qu'il pense que ce qu'il fait, c'est bien. C'est pour ça que l'Allah a mentionné qu'y a-t-il de pire yom al-qiyamah que quelqu'un qui vient en pensant avoir fait du bien, alors qu'il n'a fait, il ne trouvera que du mal. فَالْجَاهِلُ الْبَسِطُ خَيْرٌ مِنْ هَذَا خَيْرٌ مِنَ الْفَاسِقُ وَخَيْرٌ مِنَ الْمُبْتَدِحُ. Et l'ignorant simple, le simple ignorant, est meilleur que ces gens-là. C'est pour ça que les ulama disent, il vaut mieux rester sur la fitra et être un jahil que d'aller apprendre la religion chez un muftadir. Parce que tu restes sur ta fitra. Allah Azza wa Jal ne va rien te demander. Tu es sur ta fitra et tu es ignorant parce que pour l'instant tu n'as nulle part où apprendre. Jusqu'à ce que tu trouves un endroit où tu puisses apprendre ta religion convenablement. Or là où tu apprends, il y a shirk ou el bidah, etc. Donc il vaut mieux rester sur ta fitra et Allah Azzawajal ne va pas te châtier pour ça. Ça, c'est une ignorance qui est excusée. Plutôt que d'aller chez le mubtadi, l'innovateur qui a changé la religion d'Allah, et d'apprendre chez lui et que tu vas ressortir avec cette chose-là. C'est pour ça, Minhaj le Salaf 1, il disait à son fils, il l'a vu sortir de la maison d'un hypocrite, d'un mubtadi, d'un innovateur. Et de l'autre côté, il y avait la maison d'un quelqu'un qui commettait des grands péchés, jusqu'à ce qu'il commettait la sodomie. C'est un kufr d'un kufr. C'est un kufr d'un kufr. La sodomie, la sodomie, elle fait partie de le kufr d'un kufr. Parce qu'Abdullah ibn Abbas, il l'a appelé kufrun. On l'a interrogé, Abdullah ibn Abbas, sur la sodomie. Il a dit, vous m'interrogez sur un kufr, sur une mécréance. Et après, il a donné le hukm. Mais il l'a nommé kufrun. Donc c'est bien la preuve, c'est un kufr d'un kufr. Il l'a appelé istihlal, kufrun akbar. Maintenant, celui qui l'a rendu halal, c'est un grand kufr. Tayyib, al-Muhim. Quand il a vu ça, il a dit, Wallahi, j'aurais préféré que tu sortes de cette maison plutôt que de cette maison. Parce que cette maison-là, il y a le péché, mais vous ne touchez pas à la religion d'Allah. Cette maison-là, vous touchez à la religion d'Allah et vous la transformez. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin.